regarde le jour se couche sur ma ligne de vie. La mort m'a dit qu'il me reste 24, 48 maxi. Peur de la faucheuse, je voulais pas voir l'autre rive. Maintenant qu'elle s'approche, je me dis qu'elle est pas si terrible. Si le temps m'est compté, je check mes potes une dernière fois. Revoir ceux avec qui ça s'est mal fini la dernière fois. On s'en fout de tout ça, j'emporterai pas les embrouilles dans la tombe. Serrons-nous dans les bras avant que je quitte ce monde. Et je compte bien profiter de tous ces derniers instants. Je passe voir cette petite meuf, ma régulière. Je peux pas partir sans lui dire au revoir. Adieu, on se revoit de l'autre côté. Tu vas me manquer, sérieux, j't'ai trop kiffé, poupée. Mais j'ai tout loupé et je dois partir plus tôt que prévu. J'ai débarqué dans la vie comme dans une soirée privée. Je repars comme je suis venu, sans prévenir, à l'improviste. Comme un funambule sur son fil, un sénat sur sa piste. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette terre de défi. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette terre de défi. C'est fou quand mes malheurs me paraissent futiles. À ressasser mes erreurs jusqu'aux confins du stupide. Maintenant que c'est la fin, c'est con, je me reproche plus rien. Je me pardonne tout, au fond j'étais un mec bien. Du moins la plupart du temps et pour les autres fois. J'ai quand même payé le fait d'explorer les autres voies. Ma foi, quand j'y pense, c'est surtout moi que j'ai détruit. J'ai fait du mal quand j'avais mal, mais c'est moi qui en ai pâti. Et finalement à l'arrivée, toutes ces histoires on s'en tape. Je pense aux choses simples, comme dans une bête pub de Hertha. Je pense au vent dans les feuilles, aux Pyrénées de ma fenêtre. À tous ces rêves de musique que je faisais vers 9-7. Je pense au soleil qui se lève et aux oiseaux qui chantent. À des regards de femmes qui charment et à mes potes qui me chambrent. Je pense aux gens qui comptent, à qui j'ai pas dit assez je t'aime. Et à tout cet amour que j'ai dilapidé dans la haine. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette air de défi. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette air de défi. J'ai plusieurs lettres à écrire avant de partir, faut que je me grouille. Faut que je sois honnête, j'ai pas envie de mourir et j'ai la trouille. Je te jure que d'un coup, je me mets à l'aimer cette sale vie. Parfois la peur est positive, voire même salvatrice. La vie est une actrice avec tous ses petits caprices. Ses tristesses, ses joies, ses coups de pouce, coups de vis et ses tricks. Je veux partir avec cette pointe d'insolence dont j'ai abusé. En gardant ce sourire, mais ironique, mais désabusé. Déjà c'est usé, alors qu'encore si jeune. Logique, vu que l'excès est devenu mon oxygène. Si ça se trouve, j'aurai une destinée à la Van Gogh. Une carrière post-mortem de Brésil à Bangkok. Et puis au fond, je m'en cogne, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. J'ai vécu ce qu'il y avait à vivre, du plus violent au plus tendre. C'est comme ça, le temps passe, et ça se passe avec ou sans toi. Et le monde continuera à tourner avec ou sans moi. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette air de défi. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette air de défi. Aussi sûr qu'on pourra pas tous finir médaille d'or. On pourra pas non plus tous être vieux avant d'être mort. On pourra pas tous être fort sans avoir trop souffert. Et quand on perd, on pourra toujours accuser Lucifer. Te cherche pas d'excuses, le dernier jour tout ça ne compte plus. La vie fait seul les comptes et fait payer le montant dû. J'ai vécu trop tendu, j'dis aux petites profiter pleinement. Et de pas trop m'écouter quand je fais mon ancien combattant. Eh hey, attends, j'ai un message pour tous les gens. J'ai vécu la tête haute sans m'enfuir la queue entre les jambes. Et j'aime beaucoup ce gosse ingérable que j'ai été. J'ai su être aussi déterminé qu'impulsif entêté. J'ai eu tant de chance dans ma vie que je pourrais pas te les compter. Tellement de poids ce qui me suit, j'en ai des tas à raconter. Mais là j'ai plus le temps, je dois quitter ce monde en urgence. Putain, faut déjà que je dise adieu à cette existence. Traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette air de défi. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette air de défi. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Et je veux voir le feu d'artifice jusqu'au bouquet final. Je vois défiler dans ma tête tous ces gens que j'ai aimés. Ceux qui sont encore là et ceux qui ont disparu comme aimés. Je vois mes grands-parents que j'ai pas pris le temps de connaître. Je vois mon grand frère que j'ai pas eu la chance de connaître. Mais c'est trop tard, c'est souvent là qu'on reconnaît ses erreurs. Qu'on se rend compte de ce qui compte, mais on peut plus revenir en arrière. Les choses vont et viennent, et elles sont comme elles sont. Je me sens bien, au fond la vie fut une belle leçon. C'est bizarre cette sensation de plénitude, c'est pas dans mes habitudes. Je suis un speed qui a jamais su gérer son appétit. La mort me prend sous son aile, trop danser sous son nez. Souvent j'ai bluffé le destin, toujours il m'a soupçonné. Je revois aussi forcément la dernière fois où j'ai vu cette fille. C'est fou comme je l'ai aimé cette putain de vie. Je traverse cette vie vite fait comme une étoile filante. Sans repère, sans fil et sans poisson pilote. Comme ces notes qui s'empilent, mes souvenirs défilent. C'est la fin de la partie et je garde cette air de défi.